Ok, donc là en fait on est sur le site de Gouffre de la Fage, oui. Et c'est pour les sorties du gouffre. Alors toi tu me dis il y a quelle espèce et sur quelle fréquence? Donc t'as 4 espèces qui vont sortir là. Ouais. T'as le grand rhinolophe, ouais. Tu as le rhinolophe aurial, le mini-optère de Schreber. D'accord. Et puis tu auras du grand murin aussi. D'accord. Enfin, il y a grand et petit murin, mais c'est les mêmes fréquences d'émission. D'accord. Donc le premier à sortir, ça sera le grand rhinolophe. Ouais. Donc tu l'as vers 84 kHz. D'accord. Après, vont commencer à sortir le mini-optère de Schreber. Donc là, c'est des fréquences modulées abruptes. Donc il n'y a pas une fréquence fixe, mais vous mettez autour de 50, d'accord. 50, 55, 50, ça marche pas mal. Là, on l'entend bien, cette fréquence. Ça, c'est le deuxième, ouais. Voilà. Mm-hmm. Enfin, il va sortir, lui, pendant une heure, pratiquement. Et il commence à sortir. D'accord. Juste après le grand rhino, et le rhinolophe aurial commence également à sortir après les grands rhinos. Rhinolophe aurial, c'est 102, 104. D'accord. Fréquence. Et après les grands murins, c'est pareil, ça fait vraiment se mêler à bout. C'est les derniers. Ouais. C'est les derniers, mais tu les entends bien à 35 que vous mettez. D'accord. Ok. Vous allez entendre des trucs. Enfin des. Alors que les rhinos, c'est. Tu verras. D'accord. Ça fait plutôt des sons comme ça. Ok. Ah, voilà. Super. Bah merci. Et bien, je t'en prie.